بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسي نوتخو 32 كور autour de ce livre de Cheikh Najmi حفظه الله تعالى، qui est la source délicieuse dans la critique de certaines voies dans le da'wa et dans certaines croyances. فنحن سمعتي على 16 كريتيك. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: الملاحظة 16 جعل البنا الأصول 20 قاعدة لأصحابه ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر، والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، وقد أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. الشيخ النجمي حفظه الله تعالى ديمتخ سيت كريتيك سيت 16ème كريتيك en disant que le Benna a fait que les 20 fondements, il a fait des 20 fondements une règle pour ses disciples, c'est leur point de départ, et dans ces 20 c'est leur principal pilier, et dans ces 20 fondements il y a une vérité, il y a la vérité, il y a le faux aussi, et il y a des sujets sur lesquels ils sont sujets à critique. Il a dit ce qu'on remarque le plus sur ses fondements, c'est qu'il a fait obligatoire que ses disciples, pour ses disciples, qu'ils se cramponnent à ses fondements, et il a arrêté toute la religion dans ses fondements, et les savants de la législation et les hommes de science l'ont critiqué sur ce point. ويقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى: وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار، فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله 20 ودعوة الدعاة للالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول 20 فقد عرف معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول قدوتنا، فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها أو تنقص، ومن دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها وفهم الإسلام من خلالها والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ Et encore une fois, Cheikh Najmi, dans ce passage, il cite les paroles d'Al-Hamd Sallam, comme on l'a vu avant-hier, que c'est un ancien ikhwan, mais qui émet des critiques sur l'ikhwan et sur la voie d'Al-Ikhwan. Là, quand Cheikh Najmi, comme nous l'avons dit auparavant, il cite des paroles d'anciens ikhwan et qui ne sont pas revenus à la voie du puiseur d'Allah Alim, pour nous montrer que même les ikhwan critiquent les ikhwan et la voie d'Al-Ikhwan. Et les critiques qui leur viennent de l'intérieur sont importantes, bien sûr, parce que ça émane de personnes qui connaissent la voie. Et Ahmed Sallam, dans son livre « Regard sur la voie des Ikhwan Muslimin », il dit « Nous ne doutons pas qu'il est obligatoire pour du'at de se cramponner à une seule compréhension et à une seule voie pour que les sources d'apprentissage soient identiques. » et pour avoir un point de départ et pour réunir les gens sur une seule compréhension et sur une seule marche à suivre et sur une seule voie à prendre. Et il dit, est-ce que cela on peut l'obtenir avec les fondements qu'a fait Hassan al-Banna? Et est-ce qu'on peut obliger à du'at de se cramponner à ça? Est-ce qu'on peut obliger les du'at de se cramponner tout simplement à ces 20 fondements de Hassan al-Banna et qu'il la considère comme une religion avec laquelle il se rapproche d'Allah Azza wa Jal? Et il dit, c'est le frère musulman. C'est le frère musulman connaît sa religion à partir de ses 20 fondements. De là, il sait ce que ça veut dire la parole d'Yal. Hein? Le Coran, c'est notre dostour. Rasoul, c'est notre imam. Et il dit, qu'est-ce que Ahmed Sallam, il dit, qu'est-ce qui est interdit aux musulmans et à leurs prêcheurs de mettre d'autres fondements qui sont similaires à ceux-là, de rajouter des choses, de diminuer des choses, et d'appeler les gens à se cramponner à ces choses et de comprendre l'islam à partir de ces fondements qu'ils ont émis et d'avoir un rapport avec le Coran et avec le Sunna à partir de ces fondements qui ont été faits par les prêcheurs. ويقول وهذا كلام أحمد سلام أفبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم et أحمد سلام leur pose cette question, est-ce que en agissant ainsi, en prenant cette voie, les prêcheurs de l'islam vont arriver à accomplir leur unicité? أم يكونون عونا لعدوهم على حربهم ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتباره أسنى الفكر وأجمعها وأعلاها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع وإن عمله مقصور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه وإيضاح سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه انتهى ما نقله الشيخ النجمي حفظه الله تعالى من نظرات في مناهج الإخوان لأحمد سلام. يا أحمد سلام de continuer dans le passage qu'a pris de son livre الشيخ النجمي حفظه الله تعالى. Il dit, est-ce que c'est comme ça, si en agissant ainsi, en prenant ses fondements, ou là, quand chaque du'at va instaurer des fondements, est-ce que quand les gens vont les prendre, ou là, les du'at vont marcher sur ces fondements, est-ce que c'est ça qui va amener à l'unicité, à accomplir l'unicité des du'at et des musulmans? Et il pose cette question encore, il dit, ou alors ceci va être une aide pour leur ennemi, pour qu'ils les combattent. Et il dit, et ne doutons pas un instant que ce qui a poussé Hassan al-Banna à instaurer ses fondements, c'est son enthousiasme pour le prêche vers l'islam et le mal dans lequel baignent les musulmans à son époque, et c'est ce qui lui a fait dicter ses fondements. Par envie de réunir les musulmans sur une seule voie et pour que leurs efforts s'orientent vers une seule œuvre, une œuvre unifiée. Mais tout simplement se dépouiller pour les fondements de Hassan al-Banna et pour ses pensées et les prendre comme c'est le summum de la pensée et c'est la pensée la plus complète et les fondements les plus complètes, ceci, ça implique qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Hein? Et il dit, mais aucun homme de science auparavant n'a appelé les gens à sa pensée ni à ses opinions sans les autres pensées, sans les opinions des autres hommes de science, car tout homme de science sait que sa science c'est une science de suivi et que ses actes sont arrêtés tout simplement dans le fait d'éclairer les gens sur ce qu'ils ignorent de la science et de les appeler vers la science et de les éclairer sur la voie de la vérité qu'a ramené Mohammed alayhi salatu salam, et de remédier aux lacunes et aux erreurs dans lesquelles sont tombés les gens dans leur religion et de le rééduquer. Et c'est à ce point-là que se terminent les paroles d'Alhamd Sallam qu'a cité Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. والآن مع نقد الشيخ النجمي يقول الشيخ النجمي إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزام أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع وكفى بهذا ذليلا على إضفاء الصبغة التشريعية عليها ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله maintenant voici la critique du Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala sur les fondements de Hassan al-Banna. Il dit le fait que Hassan al-Banna impose ses 20 fondements à ses disciples, qu'il fait obligatoire qu'ils doivent les suivre, et que ce qui est surrogatoire dedans devient obligatoire, et ce qui est obligatoire dans ces 20 fondements est un pilier, et que ses disciples s'occupent de ces fondements, ils s'occupent de ces fondements plus que la législation d'Allah Azza wa Jal. Ils s'occupent de ces fondements plus que les jugements et les sentences de la religion qui ne sont pas cités dans ces fondements. Ils lisent ces fondements, ils les apprennent par cœur. Ils les apprennent par cœur. Et ils les apprennent par cœur et ceci, et ils les expliquent. Et ceci fait de ces fondements, donne une particularité à ces fondements sur toutes les autres choses. Et il fait que les lois qu'il y a dedans sont plus importantes chez les disciples d'Al Hassan Banna que les lois qu'il y a dans la législation. Et ça suffit comme preuve, comme quoi ces fondements font la concurrence à la législation d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a légiféré avec Allah Azza wa Jal, dans ces cas-là, il s'est associé avec Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le fait d'avoir légiféré. Et il est dit dans Surah Shura, est-ce qu'ils ont des associés qui leur légifèrent de la religion d'Allah Azza wa Jal, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé. Donc, hadith al-mulahada sadis a'ashar, ja'al banna usul al-ashirin qa'ida li ashabih. Kayfa wada'a al-banna hadhihi al-usul? Wa huwa yaqul Qur'an dusturuna ila akhir al-shi'ar. Fahadhihi al-umma laha Qur'an wa laha sunnah, fala tahtaju ila taqsir. L'usul al-ashirin wala غيرها. Donc cette 16e critique qui est que le fait que Hassan al-Banna a instauré pour ses disciples 20 fondements, il a fait que ces 20 fondements sont les piliers de sa voie. Comment Hassan al-Banna avait osé instaurer ces 20 fondements alors qu'il disait que le Coran c'est notre dostor, c'est notre loi, c'est notre législation, et que Mohammed c'est notre guide jusqu'à la fin de l'emblème que se lèvent les frères musulmans. Alors que cette communauté, il a un Coran, il a un Sunna, il n'a pas besoin d'autres fondements, il n'a pas besoin du fondement, des 20 fondements ou de l'autre chose. فالثلاثة الأصول ما هي إلا استنباط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من عنده بخلاف الأصول العشرين التي هي من فكر البنا والأصول الثلاثة بها سعادة الدارين وعنها يسأل الإنسان في قبره من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ولذلك سماها أهل العلم الثلاثة الأصول لأن الدين يقوم عليها ولأنك أيها المسلم ستسأل عنها في قبرك وكذلك المنافق يسأل عنها فهذه لا بد من تعلمها والعمل بمقتضاها. Et peut-être que certains pauvres diront pourquoi vous critiquez les Ikhwan sur les 20 fondements alors que vous avez les trois fondements principaux. Les hommes de science disent qu'il y a une grande différence entre les 20 fondements et les trois fondements. Les 20 fondements, c'est quelque chose qui émane de la pensée directement de Hassan al-Banna. Les trois fondements, ce n'est qu'une lecture du livre d'Allah Azza wa Jal et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a ramené les trois fondements directement de la parole d'Allah Azzawajal et de l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les trois fondements vont faire le bonheur de l'être humain dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que la première des choses sur laquelle on sera questionné dans sa tombe, qu'est-ce que tu as adoré dans ce bas monde, c'était quoi ta religion, et qu'est-ce que tu dis dans l'homme qui vous a été envoyé. Hada, c'est les trois fondements. C'est pour ça que les hommes de science disent que ça, ce sont les trois fondements principaux. Parce que toute la religion s'accomplit sur ces trois fondements. Et parce que toi, le musulman, quand tu seras dans ta tombe, ainsi que toi, l'hypocrite, il te sera posé des questions sur ces trois fondements. Donc, il est obligatoire de les apprendre et de les mettre en application et d'impliquer ce que ça impose. Walakin, hal sayas'aluk Allah subhanahu wa ta'ala, هل سيسألك الملكان عن الأصول العشرين لجماعة الإخوان؟ أبداً. وهل هذه الأصول استنبطها البنا من الكتاب؟ فبعضها موجود وبعضها غير موجود، لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. إن اختلاق للبنا، اختلاقات للبنا، فهو الذي وضعها وألزم أتباعه بها، وهذا طبعاً انحراف عن المنهج الذي وضعه الله عز وجل. Et donc, mais maintenant, est-ce que les deux anges noirs et bleutés, ils vont te poser des questions sur les 20 fondements? Loin de là. Les 20 fondements qui sont quelque chose que Hassan ibn Na a instauré pour son groupe. Certains fondements, certains de ces 20 fondements, leur source est dans le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna. D'autres, c'est une création de Hassan ibn Na tout simplement. Il les a créés et il a fait obligatoire que ses disciples les suivent. Et ça, naturellement, c'est dévié de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracée. أما الأصول الثلاثة فهي أصول علمية صحيحة سلفية فيها تعليم للتوحيد والسنة وفيها فوائد عظيمة وفيها تأسيس وإصلاح للعقيدة أما الأصول العشرين للبنا فعليها ملاحظات كثيرة وفيها مخالفات صريحة وواضحة للكتاب والسنة كونت تخوى برنسيب فوندامونتو سيسون دي فوندمون سيونتيفيك أوتنتيك أفنو سلفي. Il y a dedans le fait d'apprendre le monothéisme, d'apprendre la sunna. Il y a des points à retenir qui sont énormes. Et c'est la base pour construire et pour authentifier sa aqida et ses croyances. Quant aux 20 fondements de Hassan ibn Na, il y a beaucoup de critiques sur ces fondements. Et dans ces 20 fondements, il y a beaucoup de divergences avec la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salam. ومع الملاحظة السابعة عشر يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى استعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر أما في الحضر فالأمير العام كاف ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر وإلا لازم من ذلك التناقض ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. Le Cheikh Najmi démettre la 17e critique et il dit le fait qu'ils utilisent la Émara en résidence. Ils sont dans le quartier. Dans chaque quartier, tu as un émir. Dans chaque coin de rue, tu as un émir. Sur certaines personnes. Une dizaine de personnes, ils ont leur émir. L'émir du quartier, l'émir du district. Et ainsi, ça n'en finit pas, les émirs. Alors que l'Émara, le fait d'avoir un prince, dans la législation, on l'a tout simplement que pour l'émir, on l'a tout simplement en dehors du grand émir qui gouverne, on l'a tout simplement dans le voyage. Alors qu'en résidence, ça ne suffit le gouverneur. Le gouverneur, c'est notre émir. Et ils prennent comme preuve le fait qu'on a le droit d'avoir un émir dans le voyage. Il n'y a pas de problème d'avoir un émir quand on est en résidence, en dehors de l'émir qui gouverne. Et celui qui prétend ceci doit ramener une preuve. Et la preuve, il n'en a pas. Et la preuve, il n'en a pas. Il a beau chercher, mais il n'a aucune preuve. Fa isti'malu l'imara fi l'hadar, fa hatta l'imara fi s-safar, al-murad biha an yandabit al-musafirun hatta la yaqa baynahum niza' wa inshiqaq وتشتت فهي إمارة محدودة وليست عامة ولا مطلقة وليس لهذا الأمير في السفر من الحقوق ما للأمير العام من السمع والطاعة والبيعة فيسمع له ويطاع في حدود فيسمع له فقط ويطاع في حدود شؤون السفر. فإذا انتهى السفر انتهت هذه الإمارة، فهي إمارة محدودة جدا. Et quand l'imara, quand on prend un émir pour les voyages, hein, cela est conditionné. Tout simplement, c'est juste pour éviter que les gens aient des problèmes entre eux dans le voyage, pour qu'il y ait quelqu'un qui régisse le voyage. Et son autorité, hein, ne concerne que le voyage. Une fois que le voyage est terminé, ça y est, c'est fini, son imara est terminé. Hein. On le suit tout simplement dans les choses du voyage, tout simplement. Hein? Il n'a pas, on n'a pas à lui faire l'allégeance. Hein? On a sa le fait qu'il soit chef du voyage, ça ne veut dire qu'un laps de temps, laps de temps du voyage. والإمارة في السفر لها سبب وليست مطلقة. فالذي يحتج بها على الإمارة في الحضر هذا مخطئ. Et le fait d'être émir pendant le voyage, ceci est conditionné. Et il a une cause, c'est le voyage. Et celui qui la prend comme preuve, comme quoi quand on est dans notre quartier, dans notre ville, on a le droit d'avoir un émir, celui-là, il est dans l'erreur. Il est dans une énorme erreur. « وهذا مبطل ومحرف ومخرف يحتج بالشيء المقيد المحدود على شيء مطلق » Et celui-là, c'est un faussaire. Et c'est quelqu'un qui est dévié. Et c'est quelqu'un qui vit sur les histoires à dormir debout, qui ramène, qui prend comme preuve une chose qui est conditionnée pour la mettre sur une chose qui est au sens large du terme. فالإخوان كسائر الفرق مبين لمنهج السلف عندهم إمارة في الحضر وبيعة وبحثوا عن الأدلة فما وجدوها فذهبوا يستدلون بالإمارة في السفر وهذا من إنزال الدليل في غير موقعه ومن الهوى فهذا سببه أنهم يعتقدون ثم يستدلون فتكون النتيجة الزلل فعندما يعتقدون المعتقد الفاسد الباطل يذهبون للبحث عن الدليل وهذه طريقة أهل الأهواء والانحراف أما أهل الحق والعلم والمنهج الصحيح فإنهم يستدلون ثم يعتقدون إخوان et tous les autres groupes qui sont en divergence avec la voie du puiseur de Allah عليهم ils ont cette imara dans la résidence dans leur quartier dans leur ville. Ils prennent l'allégeance. Hein? Ils ont cherché dans les preuves, ils ne les ont pas trouvées. Alors, ils sont allés chercher des preuves qui n'en sont pas. Hein? D'abord, ils ont cru, et après, ils vont chercher les preuves. Ils font tout le contraire de ne plus être d'Allah alayhim. Et ils n'ont pas trouvé de preuves, donc ils ont pris les preuves. Pourquoi ? Pour avoir un émir dans son quartier et dans sa ville, ben, on prend comme preuve le fait de l'autorisation d'avoir la sunna de l'émir dans le voyage. Et ceci non avenant. Ça, c'est mettre le dalil pas à sa place. Parce que des fois, on a le dalil, mais on ne le met pas à sa place. Et ici, c'est le cas des Ikhwan et de beaucoup de groupes. Ils prennent des preuves et ils ne les mettent pas à leur place. Ils ramènent des ambiguïtés. Hein? Et ça, ça prouve leur passion, qu'ils suivent leur passion, qu'ils ne suivent pas la voie de leur plus aïeul, ils ne suivent pas les preuves. Et ça, sa cause, c'est quoi? C'est parce qu'ils croient. Et après, ils vont chercher les preuves sur leur croyance. Et là, c'est le contraire que faisait Salaf. C'est Salaf, ils cherchaient la preuve et après, ils croient. On cherche la preuve d'abord et après, on croit. On ne va pas chercher, on ne va pas croire, instaurer notre croyance sur du vide, sur des choses que nous avons instaurées. Après, on va chercher la preuve. Dans ces cas-là, on dévie. Dans ces cas-là, on glisse. Dans ces cas-là, on s'égare. Mais Salaf, et les hommes de science, et les hommes qui suivent la vérité, bah d'abord ils cherchent la preuve et après ils instaurent leur croyance. Et pas avant. وهذا كذلك قضية الإمارة كل الفرق تستعملها الياسينيون في المغرب الأمير في الحي أمير المدينة أمير الجامعة أمير القرية et ça n'en finit pas. Et tous les groupes qui ont la carcasse de l'Ikhwan qui leur ressemblent et qui ont imité le Khouan, comme tu prends par exemple les Yassinites au Maroc, la même chose. Ils ont l'émir du quartier. Hein? Chaque 10 personnes, il y a un émir dessus. L'émir du quartier, plus sur les émirs du quartier, il y a l'émir de la ville, l'émir de l'université, ça n'en finit pas. Que des émirs. Hein? Partout. وتأتي الملاحظة الثامنة عشر استعمالهم للتقية في إخبارهم وأقوالهم وهذه أمور سبرناها فيهم وعرفناها منهم والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم ووالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم. La 18e critique, c'est qu'ils utilisent le mensonge, التقية. Et التقية fait partie de la religion de qui? Les Rafida. Donc, dans les nouvelles qu'ils annoncent, dans leurs paroles, ils utilisent le mensonge. Et Cheikh Nizmi dit, ça je le connais d'eux. Et je les connais assez. Et il dit, par Allah, Allah il me demandera, moi avant qui que ce soit, sur chaque lettre que j'ai écrite sur eux, il va me poser des questions. Et il dit, par Allah, qui est le seul digne d'être adoré, je n'ai rien écrit qui ne soit vrai sur eux. Tout ce que j'ai écrit sur eux, c'est la vérité. وتأتي الملاحظة التاسعة عشر الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيبهم لها أي تلحينهم لها وأنا لا أحرم سماع الشعر يقول الشيخ النجمي حفظه الله فقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء عن الشافعي أنه قال خلفت بالعراق شيئا أحدثه الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغيير. قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي وذكر أبو منصور الأزهري المغيرة قوم يغيرون بذكر الله بدعاء يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغييرا كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة بهذا المعنى وقال الزجاج سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. الشيخ النجمي يدير لا 19e critique contre l'Ikhwan c'est que l'anachid à gogo nuit et jour, ils n'arrêtent pas avec l'anachid. Mais le grand problème c'est que leur anachid maintenant ils sont dites avec des mélodies, hein, ils sont chantonnés. Il dit Cheikh Najm Hafdallah, moi je n'interdis pas le fait d'écouter la poésie. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a écouté la poésie, hein, mais ceux-là il dit ils partent avec leur anachid, ils vont dans la voie du Sophie. Les anachides, leur anachide, vient même vers la voix des Sophies en forme de chanson qui va les faire rentrer en transe, comme ils prétendent. Ibn al-Jawzi, dans son livre La critique de la science et des savants, il rapporte de Shafi'i rahimahullah qu'il a dit qu'il a laissé derrière lui, en Irak, quelque chose qu'ont innové Zanadiqa. Zanadiqa, sa traduction littérale veut dire les hypocrites. Zanadiqa pour ont innové cette chose pour détourner les gens du Coran. Ils appellent cette chose tghyir, c'est-à-dire le changement. Il Musannif a dit, c'est-à-dire Ibn al-Jawzi a dit, Abu Mansour l'Azhari, il a dit le mughayyira, ce sont des gens qui changent l'invocation d'Allah Azza wa Jalla, les du'a par des psalmodies. Hein? Et ils ont appelé ça ce qu'ils chantonnent de poésie, etc., trir, c'est-à-dire ce qu'ils font comme dhikr en forme de chant, etc., ou mélodie, etc., ils l'ont appelé trir. Hein? Et quand ils sont en train de le faire avec ces mélodies, etc., ben ils dansent, ils rentrent en transe, et c'est pour ça qu'ils ont été appelés mughayyira, des changeurs. Et ainsi, cette signification est rapportée aussi par Zajjaz qui dit on les appelle le Mughayyirun parce qu'ils changent les gens. Ils font aimer aux gens. Ils font aimer aux gens le delà et leur détester ce bas monde. يقول الشيخ النجمي حفظه الله تعالى قلت عجيب أمر الصوفية يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة أن أنا لا شك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا ومزاهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إن لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة، ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة. الشيخ النجمي ندير il est extraordinaire la situation, il est étonnante la situation des Sophies. Ils prétendent sortir les gens du sub-monde avec les chansons et faire aimer aux gens l'au-delà avec les chansons. Est-ce que la chanson, les chansons peuvent être un moyen pour faire détester aux gens sub-monde et leur faire aimer l'au-delà? Ou alors c'est le contraire? Regarde ceux qui sont dans... Vers quoi ça pousse les chansons en général? La débauche. Ça excite la personne, la débauche, la drogue, la fuite, etc., la boisson, faire ça que ça amène, ça ne peut pas amener vers l'au-delà. Et Cheikh Najmi de dire, moi je ne doute pas, et tout un chacun qui a compris ce que veut Allah Azza wa Jalla et son messager alayhi salatu wasalam ne doute pas que les chansons n'incitent que pour les choses de ce bas monde et éloignent les personnes de l'au-delà, et que les chansons donne des mauvais comportements. En sachant, si maintenant ils veulent inciter les gens et orienter les gens vers l'au-delà, ceci est une adoration. Et l'adoration, si elle n'est pas légiférée min Allah et de son messager alayhi salatu wasalam, ben c'est une innovation. Comment les chansons peuvent inciter à l'au-delà et détourner de ce moment? Donc, et si c'est une innovation, c'est une innovation. C'est pour ça que Cheikh Najmi dit à la fin, et moi je dis, Cheikh Najmi, l'anachide c'est une innovation. L'anachide c'est une innovation. Moulahada Tasi'a Achar, يقول الشيخ Abu Malik al-Juhani, al-Iktar min al-anachide. وهذه الأناشيد هي السماع عند الصوفية. وهي التي يتعبد بها الصوفية في المساجد والزوايا والاحتفالات والموالد. ومع الأسف الشديد هذه الأناشد ينشدون ويرقصون ويطبلون بها في المساجد ويتلذذون بها ويستعظون بها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه الأناشد من عند النصارى، فهم الذين ينشدون كما رأيتم في الكنائس وغيرهم من أهل الشرك وانتقلت إلى الصوفية. أبو مالك de nous citer ceci sur cette critique, sur cette 19e critique du Cheikh Najmi contre l'Ikhwan. Ils font beaucoup l'anachid, ils écoutent beaucoup l'anachid. L'anachid c'est sama, c'est le fait d'entendre, c'est les chansons chez Sophia, c'est avec ces choses chantonnées chez Sophia avec laquelle il se rapproche de Allah, avec laquelle il adore Allah, dans les mosquées, dans les confréries, dans leurs fêtes, dans leurs réunions, dans la fête du Mouloud, soi-disant la fête du Mouloud. Et il dit avec grand regret, c'est un anachid qu'il chantonne, il danse derrière. Enfin, ils sont accompagnés d'instruments de musique dans les mosquées et dans les confréries. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux aller dans le bus pour aller vers Mouzdalifa. Un groupe, un quarantier en train de danser et taper avec des castagnettes, avec des barres comme ça, et partir de droite et de gauche. Et je croyais que je rêvais. Et j'ai pincé ma femme, je dis, regarde ce qui est à côté, est-ce que tu vois la même chose que moi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu as vu? Je dis, j'ai vu des grosses barbes et des gens qui sont en train de danser dans le queue et qui bougent à droite. Il m'a dit, j'ai vu la même chose que toi, tu rêves pas. Ils prennent plaisir avec ce genre de choses. Regardez, même au lieu sacré, ils font ça. Subhanallah. Ça, c'est la religion d'Il Sophia. Et ils prennent le son dans l'anachid et ils laissent de côté le livre d'Allah Azza wa Jalla, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et l'origine de ces anachid vient des chrétiens. C'est eux qui font des anachid dans les églises. Vous voyez les orchestres qu'il y a dans les églises. Auparavant, avant qu'ils aient les instruments juste avec la voix sec. Mais regardez maintenant avec les instruments de musique, etc. Et donc, Sophia, ils les ont attrapés d'où? De chez leurs parrains, Rafida, qui les ont attrapés chez les chrétiens. Enfin, Sophia, وانظر الآن, les musulmans en Europe, عندما يكون مؤتمر الإخوان المسلمين في البرجي، كم من الفرق ديال الأناشيد، كم من المنشدين، ويأتون بهم من بعد العناية، يستدعونهم من آسيا ومن قاع إفريقيا وهذا. وفي الليل الأولاء الشباب والشابات يرقصون على الأناشيد ويزعمون أنهم إسلاميين. وقاعد من تنشي الإخوان أتخافيغ لوموندونتي إلزون لغ شانتور، لغ شانتور ديال الأناشيد. Je prends par exemple l'événement des frères musulmans à travers la France, le Bourget. Chaque fois, tu as des groupes différents. Et des fois, ils invitent des groupes qui viennent d'Asie. Hein? Va après les conférences et tout, vers 10 heures après, tout. Là-bas, ça se tourne en boîte de nuit. Soi-disant, on danse sur l'anachid islamique. Et ils leur collent le nom islamique. Hein? Tu prends aussi l'Yassinine au Maroc. Ils ont leur munchid. Et il y a quelques mois, je lisais sur un journal, leur munchid a été accusé d'adultère et passé devant le juge. Subhanallah. Au moins, ils disent non, c'est une calomnie. On l'accuse comme ça pour le faire tomber parce que c'est le munchid d'Yel Yassinit. Fassoufi Yamundul Qadim, hum ahlul ghina wa tarab. والغناء والطرب طور على يد الصوفية، بل كبار المطربين في العالم العربي كانوا منشدين عند الصوفية. يعني أن أولئك المطربين كانوا ينشدون عند الصوفية في الموالد والليالي. فما يسميه الإخوان والفرق المنحرفة بالأناشيد الدينية ما هي إلا السماع الصوفي، والآن يسمونها ابتهالات وأناشيد إسلامية. هذا فقط تزويق للأسماء ولكنه لا يبدل من الحقيقة شيئا. Et donc, Sophia depuis l'aube de l'islam, depuis qu'ils ont apparu, ce sont des gens de chansons et de mélodies. Hein? La mélodie a évolué sur la main d'Yel Sophia, par les Sophies. Et les plus grands chanteurs qui ont des grandes voix dans le monde arabe, c'est des anciens munchid chez Sophia. Beaucoup parmi eux, c'est des anciens munchid chez Sophia. Donc ces chanteurs, ces grands chanteurs qui sont passés au monde arabe, ils psalmodiaient, ils récitaient, ils chantonnaient chez Sophia dans les fêtes d'El Mouloud et dans d'autres fêtes et dans leurs réunions. Hein? Donc ce que les Ikhwan ils appellent, ce les Ikhwan et les groupes égarés ils appellent les anachides religieux, ce n'est rien d'autre que, hein, les chansons d'Yel Sophia, c'est tout. Et ils les appellent petits halat, des psalmodies maintenant, c'est-à-dire dans lesquels ils ont. Hein, ya Rasulallah, khod bayadi, la ilaha illallah. Ils appellent ça les petits halat. Ils appellent ça l'anasid islamia. Mais ça ne songe rien. Le contenu, c'est pas ça. Il n'y a rien d'islamique dedans. Tout simplement, ils embellissent les noms. Et ils déguisent les situations. Mais cela ne change rien ou la réalité que ceci est non avenant dans la religion de Allah Azzawajal. Wa jama'at al-ikhwan bi hukm annaha jama'a sufiya sta'malat wa la zalat tasta'mil hadhihi al-anashid wa kana al-banna yunshid wa akhuhu wa kibar al-ikhwan wal ikhwan fi Europa wa Amerika yunshidun wa lahum firaq wa ma al-asaf yunshidun hatta fi al-masajid bal min al-mudhhik al-mubki an indahum du'at khutaba wa munshidun wa mashhurun. Et les frères musulmans, puisqu'ils sont, c'est une jama'a qui est soufi à la base, et que le fondateur est un soufi, hein, utilisent l'anachid et les chants. Le benna, il le faisait en suivant le cortège du mouloud avec son frère, comme il est passé au début du cours avec nous. Hein. Les grands ikhwan à travers le monde, ils font l'anachid. En Europe, aux États-Unis, partout à travers le monde, ils ont des groupes d'anachid. Et malheureusement, ils le font même dans les mosquées. Et ce qui fait pleurer et fait rire en même temps, c'est qu'ils ont maintenant des prêcheurs qui montent sur le monde. Et c'est des munchidoun. Ils sont connus à travers. Moi, j'en connais un ici au nord de la France. Nous, avec l'asaf chadid, que les ikhwan, quand ils ont été dans le monde, نشروا معهم هذا السماع الصوفي المسمى بالأناشيد. فاليازينية يفعلون مثلهم في المغرب، ونشروا حتى هذا في الدولة السعودية، دولة التوحيد وإلا فكان من المستحيل أن يدخل الصوفية على السعوديين سمعهم، ولكن دخل من جهة الإخوان وأناشيدهم. Avec grand regret, l'Ikhwan, ils ont propagé l'anachid à travers le monde. Cette façon de faire, dire Sophia, hein, qui est appelée maintenant l'anachid, l'Ikhwan l'ont introduit dans beaucoup de pays musulmans. Regarde les Yassinites, hein, et autres groupes, tous les groupes qui découlent et qui ont pris comme carcasse l'organisation de l'Ikhwan. Ah, ils ont des groupes d'anachides et autres. Ils font l'anachide dans les mosquées, dans leurs confréries, dans leurs salles de réunion, etc. Et même en Arabie Saoudite, le pays du monothéisme, ils ont filtré, ils ont pu rentrer à l'anachide. Là, c'était impossible pour les soufis de pouvoir faire rentrer en Arabie Saoudite l'anachide, mais il est rentré par la voie d'Ikhwan. On a dit le mal que ça engendre, cette voie d'Ikhwan Muflisoun. Un mal énorme sur la communauté. C'est une calamité. C'est une gangrène qui ronge la communauté de l'islam. دعوة الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله قامت على التوحيد ومحاربة كل الحرافات ومنها التصوف والصوفية. فدعوته رحمه الله مضادة للتصوف وانحرافاته وخرافاته. فهذه الأناشيد الإخوانية أدخلت على الشباب السعودي. أدخلت على الشباب السعودي السماع الصوفي. فتأمل هذا الخزي. وهذا العار، فالإخوان المفلسون بوابة لأهل البدع والأهواء، فكل بدعة وكل ضلالة تجد الطريق من قبل الإخوان المفلسون. لا دعوة الشيخ محمد بن بلال avant la existence de l'État saoudien. Il s'est accompli sur le monothéisme, sur le combat contre tout égarement et contre toute forme de sophie, contre toute forme d'associationnisme. La دعوة de محمد بن بلال il est le contraire de la sophia. Et le contraire de tout égarement. Et donc ces anachides d'El Ikhwan ont été rentrés chez la jeunesse. Hein, ont pu rentrer chez la jeunesse musulmane les chants soufis. Et ça, c'est un malheur qu'on porte. C'est une page noire de l'histoire des Ikhwan musulmans. D'avoir fait pénétrer dans le pays du monothéisme Sama' Soufi. De là, tu sais que l'Ikhwan al-Muflisoun, c'est la porte de toute innovation. C'est la porte de toutes les passions. Toute innovation, tout égarement peut s'immiscer dans un pays ou dans une région par la voie de l'Ikhwan al-Muflisoun. فالآن تجد أشرطة هذه الأناشيد التي هي السماع الصوفي مسجلة من قبال قراء وإما يصلون بالناس وممن أكرمه الله بصوت جميل ومكنهم من حفظ كتابه ولهم هذه الأشرطة ويسمونها بالأناشيد الإسلامية فانظر هذا المنتوج في العالم صوت صافي مهيئ بأحدث الأجهزة وبه ألحان وأنغام تجذب وتشد لب الشباب بل الأمر أكبر من هذا أصبحت هنا قناة للأناشيد وبها من الكليبات لهذا السماع الصوفي ما الله به عالم منتنو تخوف دي كاسيت دي سيدي pour ces anachides. Hein? En réalité, qui sont les chansons d'Ir Soufi hein? Et les psalmodies d'Ir Soufi. Ils sont, et des fois ces anachides sont enregistrés par la voix des plus grands lecteurs qu'aime la jeunesse, et enregistrés par des imams qui sont les imams des mosquées et qui montent sur le manbar pour faire des khutbah. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, et il les a comblés d'une belle voix, et il les a honorés d'avoir mémorisé son livre. Ils ont ce genre de CD, ce genre de cassette, et on les appelle les anachides islamiques. Tout ce produit que tu as sur le marché, dans le monde entier, avec des voix qui sont claires, hein, parce que tous les moyens du monde moderne ont été utilisés pour filtrer le son, etc., etc. Et des mélodies qui attire la personne et qui prend, quand il prend le jeune, il est en train d'écouter, ben il est pris par la mélodie de ce qu'il entend. La situation est encore plus énorme que ça. Tu as maintenant une chaîne pour l'anachide islamique. Hein? Tu trouves dedans certains clips. Hein? Tout simplement, Sama' al-Sofi. Hein? L'Ikhwan al-Muflisoun. هم سبب هذه الطامة الكبرى فهم بوابة كل شر فلا عجب أن يجلسوا في ندوة حول ما يسمونه بتحاور الأديان وما إلى ذلك. إخوان المبلسون c'est la cause de toutes ces catastrophes dans la communauté et de tout ce mal dans la communauté. Ils sont eux la porte de tout le mal. Il n'y a rien d'étonnant que maintenant ils s'assoient sur des tables qu'on appelle les tables ou les tables rondes, hein, le débat entre les religions et autre chose. فشباب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كثير منهم إن شغل بهذه الأناشيد فكيف تريدون منهم حفظ كتاب الله وصحيح سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكيف تريدون منهم التقييد بمنهج السلف الصالح رضي الله عليهم. La jeunesse musulmane à travers la terre, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, etc., beaucoup parmi vous ont été préoccupés par ces anachites. Comment tu veux maintenant qu'ils te mémorisent le livre d'Allah Azza wa Jal et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam? Comment tu veux de lui qu'ils se conditionnent, qu'ils suivent la voie de ses puiseurs, radhiyallahu anhum? فعندما تنظر إلى الأشرطة والأقراص مكتوب عليها كلمات أو شعر فلان إنشاد فلان ألحان فلان فهذا فتح لطريق الغناء وما يتعلق به. فما الفرق بين ما يكتب على شريط أو قرص ما يسمونه بالنشيد الإسلامي وشريط الغناء؟ غناء فلان، كلمات فلان، ألحان فلان، فهؤلاء يضحكون على الناس. Donc quand tu regardes ces cassettes et ces CD, tu vois dessus paroles de tel, hein, chantées dites par tel, mélodie de tel. Et ça, c'est ouvrir la porte vers la chanson. Et ce qui va avec. C'est quoi la différence entre ce qui s'écrit sur un CD de musique et ce qui s'écrit sur un CD de anachid, hein? Ceux-là, ils rigolent sur les gens. Ils sont en train de se moquer de la communauté de l'islam et des musulmans et de la jeunesse. فلو أدرك ابن الجوزي رحمه الله الإخوة المفلسون لعله كان يخصص جل كتابه تلبيس إبليس عليهم. فما الفرق بين الصوفية الذين ينشدون في الزوايا والمساجد والحفلات والموالد وبين الإخوان الذين ينشدون هذه الأناشيد؟ لا فرق بينهم، كلهم في التصوف غارقون من هذه الحيتية. فتأملوا هذا التطور الذي أدخله الإخوان على الأناشيد كليب فيديو وهذه الصور وهذه المناظر، ومن يفعل هذا رجل قارئ مشهور حامل لكتاب الله وشهرته عالمية. Non, c'est Ibn al-Jawzi, rahmatullah, était vivant à l'époque de l'Ikhwan al-Muflisun. Peut-être que son livre, le Bis Iblis, il l'aurait consacré directement au Ikhwan al-Muflisun. C'est quoi la différence entre Sophia, ce que Psalmo dit Sophia, ce que chantonne Sophia et ce que font les frères musulmans maintenant? Il n'y a aucune différence. Anachid des frères musulmans et ce que faisait Sophia, c'est la même chose. Il est identique, il n'y a aucune différence. Tous les deux, que ce soit le soufisme et l'Ikhwan al-Muslimisme, tous sont engloutis dans le soufisme. À ce niveau-là, hein, en ce qui concerne l'anachid. Méditez maintenant ce que ont pu rentrer dans la communauté de l'islam les frères musulmans. Hein, les clips vidéo de l'anachid. Et tous ces beaux paysages, etc. Combien tu vois, combien. Des recherches qu'ils font. Hein, et qui fait ça? Un grand lecteur du Coran, belle voix, hein, l'homme connu à travers le monde. فيجب على الشباب أن يحذروا من مداخل الإخوانية هاته، فإنها ستدخلهم في التصوف من أوسع أبوابه وهم لا يشعرون. Donc les jeunes doivent faire très attention de ces portes qu'ouvrent les Ikhwan al-Muflisun, parce que ça va les amener à s'engloutir dans le sophisme de là où ils ne le sentent pas. فأنت ترى الإخوان في العالم متآخين مع الطرق الصوفية. لما؟ لأن المؤسس صوفي. وبعض كبار الإخوة المفلسون صوفيون يذهبون إلى كبار الصوفية وإلى زواياهم ونواذيهم ويثنون عليهم ويمجدونهم وهكذا يفعل الانحراف بإله. Tu vois à travers le monde maintenant une grande fraternité entre les soufis et les Ikhwan al-Muflisun. Pourquoi? Parce que le fondateur est soufi. Était soufi. Et les grands des Ikhwan sont soufis. Et encore de nos jours, les grands parmi les Ikhwan vont visiter le mashayikh des tasawuf à travers le monde. Ils vont dans leur confrérie, dans leur club. Ils font les éloges des tasawufa. Et c'est ainsi que fait la déviation avec. C'est ainsi que fait celui qui ne suit pas la voie du puiser de Allah. C'est ainsi où il va. Il va vers l'égarement. وهنا تأتي الملاحظة العشرون الإكثار من التمثيليات وهذه مصيبة كذلك الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان وقد يتقمص المسلم شخصية كافرة وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل واحد نعده من خيار الطلبة دور بريجنيف الزعيم الروسي الملحد ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك ولكنهم أبوا إلا إنفاذه فإنا لله وإنا إليه راجعون لفنتيام كريتيك L'énorme aussi, c'est qu'ils n'arrêtent pas avec les pièces de théâtre. Et les pièces de théâtre, et le théâtre, sa base, c'est quoi? C'est le mensonge. Le fait de prendre la personnalité de quelqu'un d'autre. Hein? De prendre la personnalité de quelqu'un d'autre. Avec, hein? Et tout ceci, c'est du mensonge. Hein? Et c'est une injustice. Il faut un mécréant et un pervers. Prend le rôle d'une énorme personnalité, d'une grande personnalité comme un compagnon, comme la personnalité d'un compagnon, d'un homme de science, le Bukhari ou autre. Hein? Et peut-être des fois le musulman, il va prendre le rôle d'un mécréant, d'une grande personnalité mécréant. Et Cheikh Nejmi de dire, une fois, il a été à une fête. Il a dit, il y a un des jeunes qui a joué le rôle de Brejnev. Brejnev, c'est le communisme. Le communisme, c'est l'athéisme, c'est la mécréance totale. Et ce jeune, il était considéré parmi les meilleurs des étudiants. Et il a été conseillé, ainsi que ceux qui faisaient la fête, et personne n'a accepté. Ils ont fait la pièce. Et le jeune a joué le rôle d'El Brejnev. وَيَذْكُرُ الشَّيْخ مُحَمَّدْ نَادِي الْمَدْخَلِ يَقُولُ بَلْ أَذْكُرُ مَرَّةً حَضَرْنَا مُحَاضَرَةً لِشَيْخِنَا المؤلف أي للشيخ النجمي حفظه الله في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ولما انتهت المحاضرة وأقيمت صلاة العشاء وصلينا كان عند إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم فجلس الشيخ وجلسنا معه وكان من فقرات الحفل تمثيلية وقد قام أحد الطلاب بتقميص شخصية الشيطان فسود وجهه بالسواد وجعل له ريش وجاء إلى شخص ليوسوس له حتى يضله فغضب شيخنا من هذا ونصحهم ثم انصرفنا فليت شعري أين لقوا الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته هذا كلام الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى et محمد بن هادي المدخلي de nous citer ici dans la marche et qu'une fois il était présent il était avec son cheikh Cheikh Najmi حفظه الله تعالى dans une colonie en Arabie Saoudite ils étaient invités là-bas et après salat al-maghrib entre le maghrib et l'isha le cheikh avait donné un cours et après la conférence Salat al-Isha a eu lieu et après ils avaient une veillée comme ils appellent ça ils ont demandé à Cheikh hein, et à ceux qui l'accompagnent de rester à la veillée pour qu'ils voient leur programme le programme des festivités Cheikh est resté et ceux qui l'accompagnaient comme Mohamed bin Hadi Hafidhahullah Ta'ala et les autres sont restés et on a demandé et parmi ce qu'il y allait avoir ce soir-là, c'est une pièce de théâtre dans laquelle un jeune allait jouer le rôle de Satan, de Shaitan. Donc ils lui ont peint le visage de noir et on lui a mis des plumes et il est venu vers une personne pour lui faire du waswas, pour qu'il l'égare. Cheikh Najmi s'est mis en colère. Il leur a fait le conseil et il est parti. Tout ce qui était avec lui sont partis avec. Et Cheikh Mohamed bin Adil al-Madkhali dit, où est-ce qu'ils ont rencontré Shaitan pour pouvoir le décrire ainsi, visage noir, des plumes et partout. Fa iktharuhum min al-tamthil. Tamthil hadha asluhu yunani. وكان يشتهر به النصارى ثم انتقل مع الأسف الشديد إلى المسلمين وعمل بها فساق المسلمين. وعندما نشأت جماعة المفلسون في مصر كانت صناعة التمثيل رائجة في البلاد وعليها إقبال الجماهير كما يقولون، والمسارح ودور السينما منتشرة في ذلك البلاد. Donc, le fait qu'ils font beaucoup de spectacles, de théâtre. Le théâtre, son origine, il est grec. Il était connu chez les chrétiens. Et malheureusement, le théâtre est arrivé dans le monde musulman. Et les pervers parmi la communauté de l'islam se sont donnés au théâtre. Et quand le groupe des frères musulmans est né en Égypte, la fabrication des théâtres était à son apogée en Égypte. Les maisons de cinéma commençaient à naître. Les pièces de théâtre et les théâtres commençaient à naître à gogo. Et ça a attiré du monde. Ça a attiré les foules. Comme le groupe, il aimait naturellement. Il aime ça. Il aime les troupes, il est tombé dedans. Fait le jama'at, tout à tu lui dis, هذا الشيء الذي يجذب الجماهير. فادخلت في مناهجها الرياضة والفن والأناشد والموضة والتمثيل والسينما. كل هذه الأشياء تريد الجماعة بها جذب الجماهير. ومن الممثلات المشهورة المشهورات في مصر ذلك الوقت كانت تقول مفتخرة: مثلت أمام الشيخ البنا. هذا معناه أن البنا كان يحضر هذه المشاهد وهذه الاحتفالات التي فيها العروض هذه. وكما سيأتي معنا التلمساني كان يرقص ويتعلم الشارلستون وما إلى ذلك. فأنت لا تعجب عندما تسمع طارق رمضان يقول نريد موضة إسلامية وتمثيل إسلامي وسينما إسلامية. فهذا كله مؤصل عند رؤوس الجماعة. Donc naturellement le groupe dit les frères musulmans il aime ce genre de choses, il aime les choses qui attirent les foules. Et c'est pour ça que dans les voix du groupe on fait le sport, l'art, l'anachid, la mode, le cinéma, le théâtre, tout ceci, ils l'ont incorporé, ils l'ont mis dans leur voix et dans leur programme, parce qu'ils savent que tout ceci attire les foules. Et des grandes stars de théâtre à l'époque, connues en Égypte, qui était plein de fierté quand il disait j'ai joué une pièce de théâtre devant Cheikh Al-Banna. Cela, ça veut dire que Al-Banna assistait, allait voir les pièces de théâtre et allait à ce genre de fête et à ce genre d'exposition. Et comme il va venir avec nous quand Cheikh il va s'attaquer à la deuxième personnalité qui est Talamsani, qui est l'une des grandes têtes aussi qui est mort. Talamsani dansez le charleston et apprenez le charleston. Et certains parmi eux allaient pour, dans les cours de guitare pour apprendre la musique, etc. Parmi les grands, dit l'Ikhwan. Maintenant, ne t'étonne pas maintenant quand tu vois leur poussin Tariq Ramadan dire hein, nous voulons une mode islamique. Nous voulons un théâtre islamique. Nous voulons des chansons islamiques. Tout est islamique. Il collait l'étiquette islamique, islamique, islamique, islamique. Parce que tout ceci est ancré chez la tête d'Yel Ikhwan et dans la base de départ, le point de départ. وهذه الصناعة صناعة التمثيل انتشرت في الإخوان في العالم كله حتى أنك ترى في السعودية والخليج شباب ملتحون من هذه الجماعة يمثلون هذه التمثيليات وهذه من البدع الشنيعة. ولكن مشكل البدعة أن الإنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يستحي من فعلها بل يفتخر بها. فالإخوان يرون أن التمثيليات من وسائل الدعوة الحديثة ويرون أنهم على شيء. لكن ماذا تريد؟ يقول عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. المبتدع يزين له سوء عمله، أما العاصي فإنه يستحيي من إظهار معصيته وربما يختفي، لكن المبتدع على عكسه. إيه ست أندستري qui est l'industrie du théâtre, s'est propagée par les Ikhwan à travers le monde musulman. Tu retrouves maintenant des Saoudiens, et dans le Golfe, des Saoudiens qui ont des bars, des longues bars, qui ont la sunna, etc. en apparence, qui font partie de ce groupe, ils font des pièces de théâtre. Et ça, ça fait partie des grandes innovations blâmables. Et ça, c'est le problème de l'innovation. Celui qui commet son innovation, il se rapproche avec cet acte innové d'Allah Azza wa Jal. Il n'a aucune pudeur, il n'a pas honte. Il le fait parce qu'il hada, il est fier de le faire parce qu'il le prend comme acte avec lequel il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ikhwan, il voit que le théâtre, il anachid, c'est un moyen de dawa. C'est un moyen parmi les moyens modernes de dawa. Il voit qu'eux, ils sont sur quelque chose. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Le verset, il nous dit: Afaman zuina, celui à qui son mauvais acte a été embelli jusqu'à ce qu'il le voit bon. Il est mauvais, mais il le voit bon. Qu'est-ce qu'il veut? Il est novateur. Son mauvais acte est embelli devant lui. Quant à celui qui est dans une désobéissance, il a peur, il a honte. Et des fois, il cache cet acte qu'il est en train de faire. Mais l'innovateur, lui, c'est le contraire. Il ne se cache pas. Tête haute. Qu'est-ce que tu veux? Je suis sûr de la vérité. Ça, c'est la vérité. Vous, vous ne comprenez rien. Vous ne vivez pas votre siècle. Vous vous êtes arriéré. Vous devez, hein, et ainsi de suite. Wa ra'aytum fi shahr muharram mada yaf'alu ar-rafida bi anfusihim af'al qabiha dima' tasil min dhuhurihim wa ru'usihim wa sudurihim wa yunqal dhalika 'abra wasa'il al-islam wal 'alamu bi asrihi yushahidu hamaqat ha'ula wa hum yadhunnuna annahum 'ala khair wa yataqarrabuna bi kulli dhalika ila Allah wa yaftakhiruna bih. Regarde, c'est une énorme innovation que font Rawafida. Quand ils se flagellent, ils se tapent avec des couteaux, avec je sais plus quoi, le sang il coule, les petits enfants, les femmes, tout, hein. Et tout ceci est transmis à travers tous les médias du monde. Tout le monde voit cette horreur. Hein? Ils croient au moins qu'ils sont dans le bien. Et avec ces actes, ils se rapprochent d'Allah, Azza wa Jalla. Et ça, c'est le problème de l'innovation. وَالصُّوفِيَ كَذَلِكَ يُطَبِّلُونَ وَيُزَمِّرُونَ وَيَغِيبُونَ عَنْ وَعِيهِمْ فِي رَقَصَاتِهِمْ وَيُنْشِدُونَ وَيَرْقُصُونَ فِي الزَّوَايَ وَالْمَسَاجِدِ حَتَّى أَنَّ صَحَافِيَةً فَرَنْسِيَةً قَالَتْ عَلَى أَمْوَاجٍ الإذاعة الفرنسية هذا هو الإسلام الذي نحبه ويتكلم عن الصوفية. Il est صوفي, la musique, ils chantent, ils rentrent en transe, ils perdent leur conscience. Hein? Ils chantent, ils dansent dans les confréries, dans les mosquées, à tel point qu'une voix, une journaliste française sur les ondes de France Inter dit: ça c'est l'islam qu'on aime, en parlant des صوفي. Ça c'est l'islam qu'on aime. والإخوان ينشدون ويمثلون بل يمثلون دور الشيطان ودور أبي لهب ويحسبون أنهم على خير. فهذه الملاحظات القيمة للشيخ النجمي على هذه الجماعة التي يقصدها الشباب مريدا للاستقامة والتدين, فإذا به يصبح ممثلا فهذه تربية سيئة, فهذه تربية سيئة للغاية ومنهج فاسد. إخوان فوني شانسون, Ikhwan font des pièces de théâtre. Ils jouent même le rôle d'Al-Shaytan. Ils jouent le rôle d'Abu Lahab. Et ils croient qu'ils sont sur le bien, qu'ils sont en train de faire dawa. Et ça, ça fait partie des remarques importantes que Cheikh Najmi a émises contre les frères musulmans. Ce groupe, beaucoup de jeunes s'orientent vers ce groupe, voulant venir vers la vérité et s'orienter et se rapprocher de l'Azza wa Jal, ils tombent dans les girons de ce groupe. Et tout d'un coup, ils deviennent des acteurs, des artistes, hein, des joueurs de pièces de théâtre. Et ça, c'est une voie qui est mauvaise. C'est une voie qui est mauvaise. Sama'a al-mulahadati taniyati wal-ishriun. Ma'a al-mulahadati al-hadiya wal-ishriun khurouju ba'dihim fi junhi al-layl ila makanin ba'id anil balad yaz'umuna annahum yaqra'una fihi al-Qur'an aw. ولقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات فكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن فهل تنصحني بالذهاب معهم؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم, لأن هؤلاء لو كانوا صادقين أنهم يريدون أن يقرؤوا القرآن لجلسوا في المسجد. أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. La 21e critique du Cheikh Najmi Hafdallahu Ta'ala, c'est qu'ils sortent au milieu de la nuit. Des fois, ils sont déjà dans les campines. Ou là, ils sont dans une ville, après, ils partent dans les déserts, ils partent dans les montagnes, ils s'éloignent dans la nuit. Soi-disant prétendant qu'ils vont pour lire le Coran. Et Cheikh Najmi de nous dire, une fois, j'étais invité à donner un cours dans une colonie. Et parmi les questions qui ont été posées à Cheikh, il dit, la question était ceci. Un groupe sort après Salat al-Isha du camp vers des endroits lointains prétendant qu'ils vont aller là-bas lire le Coran. Est-ce que tu me conseilles d'aller avec eux ou pas? Cheikh lui dit dans sa réponse, je ne vois pas que tu ailles avec eux, car cela, s'ils étaient véridiques, comme quoi ils voulaient lire le Coran, il serait resté assis dans la mosquée au lieu de sortir dans la nuit vers des endroits lointains. Je crains que Shaitan ne vienne les détourner et faire des choses qui sont non avenants, qui sont un péché, surtout que s'il y a un peu un jeune étudiant avec eux. وبناءً على هذه الفتوى فقد جاء بعضهم يعاتبني ويزعم بأني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره فقلت سبحان الله وهل يعقل أني أقول هذا وبعد حوار ونقاش قلت له أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا وأجبت عليه بكذا وكذا فتنفس الصعداء وخفت حملته قليلا فقلت أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرض قال نعم وكان بعضهم يجلسه وراء ظهره خلف ظهره. Et partant de cette fatwa, à la fin de cette fatwa, quelqu'un est venu voir, reprocher à Cheikh, comme quoi il prétend, comme quoi il les accuse de faire des choses qui ne sont pas bien. Le Cheikh n'a pas voulu citer, mais vous voyez ce que c'est. Subhanallah, il dit, Cheikh, il dit, Subhanallah, est-ce que c'est pensable que je puisse dire ceci? Et après un débat qu'il a eu avec la personne, il lui cite une histoire qu'il a eue une fois qu'il a été invité dans un camp. Et il lui dit, parmi les questions qu'il y a eu, ceci et cela, et j'ai répondu ceci et cela, et celui qui est venu reprocher à Cheikh, comme quoi il les accuse de faire des mauvaises choses, alors il s'est détendu un petit peu. Et après, il lui a dit, Cheikh, quand il a senti qu'il est détendu, il dit que Salaf n'interdisait pas le fait de rester en tête à tête avec un imberbe. Il a dit, certes, oui. Il dit, même certains le mettaient dans le cours, ils le mettaient derrière eux, pour qu'ils ne le voyaient pas. Ils le mettaient derrière eux. Et ça, c'était le plus heureux d'Allah. Fa khurujuhum al-layli ila makan ba'id. Wa hada yif'alu al-yasiniyun fi janoub Faransa. Yakhrujuna bi shababihim fi al-layl ila al-shati'. لغسل أدمغتهم للسمر ويتركون صلاة الجماعة يا عباد الله يتركون صلاة الجماعة مع الجماعة وهذا الخروج لا بد من الإفصاح عنه وهي أن هؤلاء الناس الجوالة وغيرهم يستقطبون الشباب الصغار وربما خلوا بالمردان الأولاد الوسيمين وسافروا معهم وذهبوا معهم في مخيمات وهذه فتنة فمصاحبة الأمرض فتنة والله المستعان وكم من الشباب تساهل في هذا الأمر ففتن ووقع في المحظور وما أحدث داعية بليل عنكم ببعيد فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه الفتن والله المستعان. Le fait, cette critique qui m'est chère est très importante. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées dans ça. Et beaucoup de gens sont tombés, ont subi des attouchements, etc. Même qui ont été violés avec ça. Le fait de sortir la nuit, beaucoup de groupes le font, comme l'Yassinite aussi. Aussi, ils sortent dans le sud, les jeunes Yassinites de Montpellier m'ont raconté, ils étaient avec eux. Ils disent, on sort, On part et on reste l'éveillé au bord de la plage là-bas, au lointain. Il dit, on laisse la prière du groupe. S'en fout. La prière dans la mosquée, walou. Et ils vont, ils veillent là-bas. Mais Yassinite là-bas sur les plages dans le sud de la France, ils font du lavage de cerveau à ces jeunes. Ils leur inculquent l'idéologie du groupe Yassinite, etc. Et il faut être clair avec ces sorties. Ceux qui sortent avec des jeunes, des fois, ils sortent avec, ils restent en tête à tête avec des petits qui sont beaux, etc. Ils sont attirés par eux parce qu'ils vont tomber dans quelque chose de haram. Et dans ce genre de campement, il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas se voiler la face. Et Salaf interdisait le fait d'accompagner un berbe. Et combien de jeunes ont été négligents à ce niveau-là? Ils ont été perturbés. Un des prêcheurs qui était dans la région de Lille, il n'y a pas longtemps. La même chose. La même chose. Prêcheur, il monte sur le minbar, etc. Et il y a eu des attouchements sur les jeunes. Il y a eu plein d'histoires qui sont nées. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Pas être... Il faut fermer la porte à tout et à toute forme de tentation. Pas dire que moi je suis fort ou quoi que ce soit. Là, il y a l'islam. Il faut fermer la porte. Là où les puzaïls se sont arrêtés, on doit s'arrêter. On ne doit pas jouer avec le feu. On doit être vigilant et rester se limiter là où nous avons limité nos puzaïls. Wallah alim. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا